J'étais tellement stupéfait que je balbutiai mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi, le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais, en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais, fort riche, et je repris. « Comment ? Votre mari n'a pas 5 000 francs à sa disposition ? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes, comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit. « Oui, oui, j'en suis sûr. Il vous a écrit ?» Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait emprunter 5 000 francs pour son mari. Donc, elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. »« Quand donc ? Vous ne m'avez parlé de rien, hier. »« J'ai reçu sa lettre ce matin. »« Pouvez-vous me la montrer ?»« Non, non, non, non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. »« Alors, c'est que votre mari fait des dettes ?» Elle hésita encore, puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de 5 000 francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. » J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci, merci, que vous êtes bon. » Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ?»« Oui. » »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ?»« Oui. » »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5 000 francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit. « Puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant une heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir. Et il m'écouta en souriant, puis il dit. « Croyez-vous maintenant ? » ?»« Oui, il le faut bien. Allons chez votre parent. » Elle sommeillait déjà, sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls. La regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux, qu'elle ferma peu à peu, sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de 5 000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle et faillit, à la fin, se fâcher.